aime le film, moi, il m'a bien vu. Oui, mais il était pas marrant. Comment il était pas marrant? Il avait du fond. Quoi? Il avait du fond. Ah, oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la salle 5 et joyeux Saint-Valentin. C'est pour une émission toute spéciale que je suis avec des gens que j'aime aujourd'hui. Je suis avec Ève. Bonjour Ève. Bonjour Jeanne. Je suis aussi avec Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour. Et je suis enfin avec Victor. Bonjour Victor. Salut, salut. J'espère que vous êtes bien installé dans votre siège numéro 42 parce que vous soyez seul ou accompagné, que vous en foutiez ou pas de la Saint-Valentin, aujourd'hui on a voulu célébrer l'amour du cinéma et l'amour de l'amour et vous le partager en vous recommandant les films qui, selon nous, racontent les plus belles histoires d'amour. Ça fait beaucoup de fois le mot amour dans une seule intro. C'est l'amour, comme dirait Patrick Sébastien dans Thème. Thème, oh putain, tu m'as volé ma recommandation. Accrochez-vous parce qu'à partir de maintenant, ça va être très fleur bleue. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. On va commencer tout de suite avec la recommandation de Victor. Alors, quel film d'amour, enfin quelle histoire d'amour tu nous recommandes? Alors moi, mon histoire d'amour, c'est tout simple. C'est un billet d'avion pour la ville de Crema en Italie. Oh. Par Luca Guadagnino, tiré de, sur l'écriture de James Ivory et de André Asman. Pour le billet s'appelle Call Me By Your Name. Et alors, c'est l'histoire de Elio Perlman et de la, qui débarque dans sa maison de vacances en Italie dans les années 80. Et il va tomber sous le charme d'un... d'une pêche. C'est vrai. C'est vrai. Mais aussi de... mais aussi d'un étudiant en doctorat, qui est Oliver, américain. Donc c'est Armie Hammer. Donc comment ne pas tomber amoureux. Exactement. D'Armie Hammer. Et c'est voilà, cette histoire de Call Me By Your Name, c'est... ou plutôt peut-être même la non-histoire, on ne sait... c'est sur les fragilités que peuvent avoir ou que peuvent poser un crush un crush de vacances, un amour de vacances, où là dans ce film, en fait, quand on est du point de vue de Elio, tout le film en fait va partager ces sentiments d'insécurité, de un truc palpable en fait, de tension amoureuse en fait, où le moindre petit geste, la moindre parole peut être source de problèmes ou d'épanouissement. Hein. Ouais. Et c'est un film vraiment que je trouve très, très pur, en fait. Dans... mais oui, c'est genre un premier amour de vacances d'un ado, et c'est très beau. Ouais, c'est très beau, puis voilà, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un voyage inoubliable dans les années 80 et en Italie, donc... je défie quiconque de ne pas vouloir visiter la ville de Crema après avoir vu ce film. C'est sa photographie lumineuse, magnifique, c'est tout ensoleillé, de la musique pop en veux-tu en voilà, la scène sur... Paris Latino et les Psychedelic Furs, bah oui, c'est sublime. Des dialogues en italien. Dialogue en italien, français. En français, en anglais. Voilà, on parle de... c'est aussi un film où on aime parler, et ça c'est très bien, c'est culture. Très... c'est un film un peu, c'est des intellectuels. Voilà, c'est très érudit, mais on adore, on a envie de les écouter parler pendant des heures. La scène avec le papa Perlman qui parle à Elio de l'amour, du sens de l'amour, de sexualité et tout, enfin de notre tension sexuelle. C'est magnifique, c'est très beau, c'est un petit... on est dans un petit nuage quand on regarde ces films, mais Que l'on soit seul ou que l'on soit en couple, c'est vraiment le film parfait pour être Mais attention, en voyage. En tout cas, parce que vous risquez de pleurer fortement. Mais si vous avez envie de partir en Italie en ce 14 février, allez-y. On va continuer avec la recommandation d'Amoury. Amoury, quelle histoire d'amour tu nous recommandes ? Moi, j'ai choisi parmi toutes les histoires d'amour, c'était très dur, hein, crève-cœur ce choix, parce que moi je suis très fleur bleue aussi quand je vais au cinéma. J'ai choisi un de mes films préférés qui est La vie d'Adèle, d'Abdelatif Kechiche, voilà, parce que c'est un film qui a vraiment une importance émotionnelle pour moi. Enfin, c'est en plus de l'histoire d'amour qui me parle véritablement, ça faisait aussi partie des films où à l'époque, j'étais ado comme ça encore au lycée, je voyais le film, je sortais, les gens disaient « Ah, c'est chiant, c'est nul !» Je disais « Attendez, vous avez peut-être trouvé ça chiant, mais c'est pas nul !» Alors moi, j'allais vérifier, j'allais regarder les critiques et tout, et c'est là que je me suis dit « Bon, il faut que je fasse du cinéma, il faut que je fasse des études de cinéma pour plus tard ça, défendre, voilà, apprendre à défendre des films. » Voilà, tu vois, c'est ça, c'est... Non seulement j'aime le film d'amour et j'aime ce personnage d'amour, Adèle, voilà, peut-être parce que ça me rappelle moi aussi tous ces Lillois qui mangent leur kebab en faisant tomber tous les légumes à côté, qui lisent des bouquins pour séduire la personne qu'ils aiment. Et par ailleurs, sur les bouquins et la littérature française, moi je vois un point commun avec Call Me By Your Name, c'est que dans ces deux films, il y a un amour de la littérature et de la culture. On sait que Kechiche, depuis La Faute à Voltaire, L'Esquive, il y a toujours eu une littérature dans son cinéma, et c'est pour ça qu'il s'intéresse dans Adèle à toutes ces scènes de cours de français, de littérature. On dit beaucoup de Kechiche que c'est un cinéaste du sulfureux, mais en tout cas, dans ces films-là que j'ai cités, il y a aussi une passion pour l'éducation, pour la littérature, la culture. Et c'est ce que fait aussi Adèle. C'est une lettrée, un peu comme Kechiche, qui rencontre une artiste qui, elle, crée. Et il y a une opposition entre les deux. Elle dit « tu devrais écrire ». Elle dit « non, je préférerais transmettre ma passion de la littérature ». Et à la fin, effectivement, elle devient professeure. Et il y a cet amour-là, déjà, de la littérature. Mais parlons quand même de l'amour surtout, tout court surtout. Du film. C'est quand même un film sur tous les stades de la passion. Voilà, c'est la passion c'est avec un grand P. Il y a de voilà, la passion chez toi. Il y a de la passion chez moi, parce que c'est ce que je ressens devant le film. Voilà, il y a tout ce que ça peut apporter en jouissance et en souffrance aussi. Parce qu'on a l'euphorie des débuts. Et à la fin, quand ça casse, ça fait très très mal. Voilà, ça mord aussi beaucoup. Ça mord et c'est un film universel. Voilà, ça a beau être une histoire homosexuelle, que l'histoire soit homosexuelle, hétérosexuelle, ce que vous voulez, c'est un film universel sur la violence de la passion, sur la perte de l'être, sur la perte de l'être aimé. Et comme toi, Philippe Rouillet. Et aussi, est-ce que tu veux du thé? Calme-toi, les amis. Et voilà, c'est un film plein de vie, proche des corps, c'est un film charnel. Ouais, bah, ça, c'est sûr. Regardez-le pas avec vos parents, par exemple. Voir. Bon, moi, petite confidence encore, je l'ai regardé avec mes parents. Moi, je l'ai vu avec ma sœur. C'est vrai que c'est une épreuve de voir ces scènes de sexe avec les parents, mais quand même, à la fin, on était tous hyper émus par cette histoire formidable. En plus, c'est une adolescente qui devient femme, en fait. Oui, elle se relève de cette histoire d'amour déchirante. Et elle devient femme. En fait, c'est beau la manière dont elle se relève et dont sa vie va continuer hors champ, en fait, parce qu'elle a possiblement un autre amoureux à la fin du film, qui est un garçon cinéphile, peut-être que c'est Abdelatif Kechiche. J'espère pas pour elle. Hein. On n'espère pas pour Adèle que c'est le vrai Abdelatif Kechiche. Mais voilà, c'est un film merveilleux. Et ben, si vous avez envie de passer votre Saint-Valentin en compagnie de Adèle et de Léa Seydoux à Lille, ou de vos parents, au plus proche de leur en corps, mangeant des pâtes, en mangeant des pâtes et des huîtres et tout ça, et ben, n'hésitez pas à regarder La vie d'Adèle. Mais Ève, alors déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Amaury et toi, justement, qui a balancé vite fait qu'on est allé le voir à deux. Donc oui, on est allé voir La vie d'Adèle à deux. Et j'étais au lycée. Et je tiens à faire un magnifique shout-out à la vieille dame qui était assise à notre droite et qui il vivait vraiment le film avec passion. Oh non, comme toi. Et vraiment, en fait, elle était tellement dans les scènes très érotiques, elle était vraiment plongée dedans, et les moments tristes, on l'entendait vraiment. On entendait sa morve, aussi, non. On entendait s'exclamer, faire oh, non, mais elle vraiment, vivait le film brisait, avec. Ah, et en fait, moi on aussi, était, j'ai vécu. C'était à mourir, en fait, c'était pas une vieille dame. Et donc, voilà, donc il y avait ma soeur et moi côte à côte, et à notre droite, cette dame et qui était seule et qui vivait le truc à 100%. C'était beau. C'est ta recommandation de film. Alors, du coup, désolé, je t'ai pris une de tes recommandations. C'est pas grave, Bon, du plus loin que j'ai cherché, je me suis surtout concentrée sur des films que j'ai vus récemment, faute de bien me souvenir de ceux que j'ai vus avant. Et donc, du coup, j'ai préféré choisir Mademoiselle, donc The Handmaiden de Park Chan-wook. C'est très gay, hein, aujourd'hui, comme recommandation. T'inquiète, si tu veux, je vais respecter les quotas après. Et après, sinon, je te balance un petit coup. Mademoiselle, ça va, quand même. C'est, c'est que des relations homo, pour l'instant. Oui, on a choisi des relations LGBT, quoi. À gay, dans le sens heureux, tu pensais. Ah, oh, c'est trop mignon. Oui, c'est pour ça. Pour le coup, comme Me By Your Name et La Vie d'Adèle, c'est des histoires d'amour qui finissent assez mal. C'est assez tragique aussi, donc préparez-vous à pleurer. Donc, si vous voulez un peu plus de joyeuseté, écoutez la recommandation de Eve. Je faisais pas ma fière non plus devant Mademoiselle, parce qu'il y a des moments clés du film qui se passent pas très bien. Et donc en fait, on est vraiment dans un genre de thriller. Très bel accent. Bel accent, merci. Qui est entre le psychologique, mais aussi cette romance qui est très complexe. Et donc on est dans les années 30, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. En Corée du Sud. Donc en Corée du Sud, quand donc il y a encore pas mal de Japonais qui occupent le pays, et on a cette jeune fille qui vit vraiment dans la pauvreté sud-coréenne, qui s'appelle Suki, qui est demandée par qui généralement vole et enfin vraiment commet des larcins pour vivre, et en fait elle a pour mission d'être la suivante d'une demoiselle qui s'appelle Mademoiselle Hideko, qui est donc une héritière japonaise très très riche. Et en fait, la mission de Suki, c'est d'influencer Hideko pour que Hideko épouse donc l'homme qui a recruté Suki, afin que l'héritage, pour l'argent, pour que l'héritage de Hideko soit volé. Et en fait, ça se passe pas tout à fait comme prévu, parce qu'il y a vraiment des trahisons, des complots et de l'amour qui naît. Et donc voilà, c'est très, c'est très complexe. Moi, j'ai un truc quand je vais au cinéma, c'est vraiment que je ne regarde pas du tout les bandes annonces. Donc quand je vais voir un film, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et j'étais un petit peu perdue quand je l'ai vu. Mais c'est assez intelligent. Il faut dire qu'il est assez long aussi, le film. Il est long, il est en trois parties. Et mais il est intense. J'étais vraiment perdue entre la partie 1 et 2. Je comprenais plus rien. Et c'est vraiment c'est la partie 3 qui scelle tout de façon intelligente. Mademoiselle qui ressemble d'ailleurs un peu sur certains aspects à La Favorite. Film dont on a parlé dans un épisode. Très récemment. Mais je suis totalement d'accord avec toi, vu que déjà, c'était ma recommandation à la base. Désolé, mais pour moi, ce film, mais c'est un de mes films préférés. Il doit être dans mon top 5 de toute ma vie, de tout l'univers, parce qu'il est tellement intense et tellement beau. Et l'histoire d'amour, elle est trop belle. Le top 5 qui a 20 films, en fait. Oui, c'est bon. Il y a des ex-échos, écoute. Mais oui, il est absolument génial. Il est très long. Mais si vous voulez passer une Saint-Valentin très intense et des boules de geisha et des pieuvres et des meilleures scènes de sexe que dans La Vie d'Adèle, désolé Amaury. Je trouve qu'elles se ressemblent assez, elles sont, enfin moi c'est rare que je sois troublé, choqué par une scène de sexe au cinéma, et c'est ce film là Mademoiselle, quand j'ai vu les scènes de sexe, je me dis j'avais pas vécu ça depuis La Vie d'Adèle. Je trouve que c'est vraiment elles sont crues, assez réalistes et ludiques. C'est un ludique. Sexe ludique. Alors les enfants, comment on utilise les boules de geisha? On a vraiment des. Si ludique, c'est le mot, mais il y a une découverte du corps, une jouissance en fait dans ces scènes qui est très très bien retranscrite, je trouve. Et sinon, du coup, je peux glisser ça vite fait, vu qu'on en a parlé très rapidement juste avant. Très bien. Merci beaucoup. J'en ai parlé très récemment, donc ça a été marrant qu'on l'évoque avant d'enregistrer. c'est que il y a ce film qui me fait rire depuis que je le connais, mais je l'ai connu très tardivement parce qu'en fait il se trouve qu'il est sorti l'année de ta naissance, Jade. Donc il on ne dira pas, on la taira. Mais vous chercherez sur Wikipédia si vous voulez. C'est Roméo plus Juliette, que je trouve fantastique. Ah, génial. Victor déteste. Ouais, non, mais alors moi, ce que vraiment, alors la première fois que je l'ai vu, j'étais perplexe parce que j'avais pas les clés pour vraiment l'apprécier, on va dire. Surtout que c'est le texte original de Shakespeare. Voilà, et c'est à partir du moment où. Bah alors, moi déjà, je l'ai vu en cours de littérature quand j'étais en L. Donc oh, voilà, les pauvres L. Comment elle se la pète. Figure-toi qu'on a tous adoré. C'est trop bien. Vraiment, quand on a compris, parce que c'était au programme après pour nous, donc on l'a très vite compris, que vraiment le texte était le texte. Original, donc retransposé sur quelque chose de plus contemporain. Là, ça m'a vraiment plus intéressée et j'étais un peu moins perdue justement sur cette contemporanéisation. Je sais pas si bon, c'est ça. Très compliqué. Oui, c'est pas la contemporanéité du film qui au début nous a un peu brusqué. Hein, Très flash. Mais très voilà, donc là au moins on rétablit peut-être un peu les quotas parce que là, ça tombe bien. Mercutio, on est sur quelque chose de très hétéro avec c'est vrai, c'est clair. Ça tombe bien que tu parles de Roméo plus Juliette, parce que ma recommandation, c'est un peu le Roméo et Juliette indien. C'est le magnifique qui vient des meilleures années de tout l'univers, les années 2000-2002, pour être plus précis. C'est Devdas de Sanjay Leela Bhansali, avec Shah Rukh Khan et, désolé, Aishwarya Rai, j'espère que je l'ai bien prononcé. Oui. Et c'est le Roméo et Juliette indien, c'est adapté d'une nouvelle iconique en Inde qui s'appelle Devdas et qui raconte l'histoire donc de Devdas et Paro, amis depuis l'enfance, qui sont séparés à cause de leur famille mais qui s'aiment et qui se retrouvent et qui se déchirent, et c'est extrêmement beau autant dans l'histoire que visuellement, parce que oui, bon, c'est un film indien Bollywood. Qui dit Bollywood dit film de 3h30, 4h avec masse de scènes de danse, mais elles sont tellement belles et tellement visuellement ouf, la photo est géniale, la mise en scène est magnifique, les chansons sont très belles. C'est pas un film Bollywood où ils chantent de la pop et ils dansent avec des hoverboards, tu vois. C'est vraiment, tu rigoles, mais ça existe. Pas de retour à un futur là. Non, mais tu rigoles, mais ça existe vraiment. Est-ce que tu peux nous recommander un film où ça danse? On fera une émission sur Bollywood. D'ailleurs, j'espère qu'on fera une émission sur Devdas, un hors-série sur Devdas et Bollywood, parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'en parler plus en détail. Mais oui, pour la Saint-Valentin, moi je vous recommande vivement, si vraiment vous avez le courage, parce qu'il dure longtemps quand même, mais de regarder Devdas et de vous laisser... Est-ce que c'est une histoire d'amour positive, contrairement à... Nos... Ben, la seule histoire d'amour positive qu'on aura citée, ce sera Mademoiselle, désolée, mais c'est la Bon, ça finit pas très bien, Roméo et Juliette. Ouais. Et Devdas, c'est le Roméo et Juliette indien, donc désolée. Si vous voulez... C'est la tragédie, finalement. Si vous voulez une histoire d'amour qui se termine bien, ben... De toute façon, ça n'est pas vas-y, la seule, puisque le... j'ai dit qu'elle est-ce se que terminait dire bien, Shrek mais. Non Shrek 2 J'étais sûre que t'allais prononcer le mot mais... Shrek Mais Nicolas Cage qui chante Love Me Tender à Laura Dern dans Sailor et Lula, c'est beau. C'est l'Amérique, c'est David Lynch, c'est Nicolas Cage, c'est Laura Dern. S'il faut regarder Sailor et Lula, plutôt. Voilà, enfin, pas plutôt, en plus. En plus, beaucoup de recommandations. En 24 heures, vous pouvez regarder beaucoup de films. Donc on vous recommande pour cette Saint-Valentin, pour célébrer l'amour, si vous êtes tout seul ou pas, on s'en fout, l'amour c'est beau, l'amour c'est tout, c'est l'univers. Je sais pas ce que je dis. Non, un autre film. Parce que j'y pense, faire une liste, mais vas-y, fais-nous, rajoute. Les Fast and Furious, la bromance. Ah, tu pensais à The Rock et c'est pour ça que tu dis Fast and Furious, parce que moi aussi je cherchais un film d'amour avec The Rock. Non, mais The Rock est mon plus grand amour. Entre Michel Rodriguez et Vin Diesel, Diesel qui devient ami avec Jason Statham alors qu'ils étaient ennemis. Même le premier Fast and Furious, c'est la plus belle histoire d'amour. L'amour des voitures, l'amour des DVD volés, l'amour des Panasonic, tout ça. Mais oui, donc. Pour la Saint-Valentin, nous, on vous recommande tout plein de films d'amour, dont Call Me By Your Name, La Vie d'Adèle, Mademoiselle, Devdas, Roméo plus Juliette, C'est Laure et Lula, Fast and Furious aussi, parce que c'est l'amour des belles voitures et de la beaufitude, c'est tellement beau. Ouais. Et bientôt, Hobbs & Shaw, dont on parlera, j'espère. Et on vous recommande aussi de vous intéresser à plein d'autres films d'amour. On n'a pas cité de rom-com. par choix, point d'interrogation. Moi, c'était par choix parce que moi, j'ai bien envie d'en citer une, et c'est même une anti... Oh, j'en ai une aussi à vous citer, en vrai. Oui. J'en ai une aussi. Une anti-rom-com, dans le sens où c'est un film qui s'amuse à déconstruire tous les codes et tous les clichés du genre. Je risque d'aimer. C'est Happiness Therapy, avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Et le superbe Bradley Cooper. Regardons Star is Born aussi. D'ailleurs, prenez des notes, vraiment. Star is Born, c'est vraiment bien. Mais ouais, mais Happiness Therapy, si on n'aime pas trop les rom-coms, je pense que c'est un joli contre-exemple, en fait, qui s'amuse à... C'est des gens, en fait, qui veulent pas tomber amoureux et qui veulent absolument juste être des amis. Et au final, en fait, ils tombent amoureux. Et c'est vrai que je l'avais vu ado et il m'avait beaucoup plu. C'était très cool. Tu avais une reco de rom-com? Oui, alors bon, moi, c'est vraiment la rom-com la plus... la plus basique possible, mais c'est toujours un film qui fait tu plaisir. Tu dis Marie à tout prix, je te vire. Non, parce que Marie à tout prix, c'est dans l'anti-romcom aussi, c'est même très cruel sur les romcom. Oui, mais c'est complètement con. Mais non, j'ai pensé à Ten Things I Hate About You. Oui, je ne l'ai pas vu, mais j'ai très envie de le voir. Juste parce que... Joseph Gordon-Levitt et S. Ledger qui offre la meilleure scène. Elle fait des cœurs avec ses mains. La meilleure scène de déclaration d'amour en chanson. Elle nous est offerte par S. Ledger. Je ne l'ai pas encore vue, mais c'est très très chouette. Regardez. Tu les verras tout jeunes, les deux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et vraiment, c'est fantastique. Moi, j'ai une autre rom-com à vous recommander. Une rom-com très importante pour moi, qui est sortie l'année dernière, et c'est Love, Simon. Et c'est très classique, c'est très américain, mais c'est pour ça que je l'aime beaucoup, parce qu'elle offre quelque chose de... Elle offre quelque chose ordinairement qui n'est pas vu comme ordinaire par encore plein de gens, et du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup. Enfin, moi aussi j'ai eu beaucoup de réserves sur le film, je trouvais ça trop convenu, trop programmatique et tout, mais ça a le mérite d'être un feel good movie qui donne la pêche, comme même moi, honteusement, en fait, devant le film, hein, je dis ah, quand même, c'est assez jouissif. Oui, hein, c'est mignon, c'est mignon. Il y a des réserves, genre Simon, il a quand même les pires amis du monde dans ce film, mais c'est tous les codes de la rom-com et du film. Mais il finit avec le plus beau gosse du lycée. En plus, putain, en plus, quelle chance. Putain, le mec, pour son premier mec. BG. Voilà. Donc voilà. Si vous voulez être heureux en cette Saint-Valentin, regardez Love, Simon ou n'importe quelle rom-com. Si vous voulez un peu plus de c'est l'histoire d'amour la plus positive. Oui, mais oui, ça finit bien. La positive attitude. Voilà. Et vous écoutez du Laurie. Ou écoutez Victor chanter du Laurie, c'est encore mieux. Son album sort la semaine prochaine. Ouais. Dans les sur iTunes, Spotify et tout comme ce podcast d'ailleurs. Ouais. On va se quitter. D'ailleurs, merci beaucoup d'avoir partagé cette Saint-Valentin avec moi, avec nous. Ça me fait très plaisir. Et tout le monde s'aime. Voilà. Et l'amour, c'est beau. Et aimez votre prochain. Parce que aimer, il n'y a rien de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau, voilà. Évidemment. Partagez l'amour en nous suivant sur Twitter, c'est horrible ce que je viens de dire. Mais si vous voulez, vous pouvez nous suivre sur Twitter, nous suivre sur iTunes, nous mettre 5 étoiles. 4, si vous 3, aimez la pour la Saint-Valentin, mettez 5 étoiles. Bah oui, ce serait gentil. Un petit commentaire, un petit cœur, un petit emoji cœur. Ou suivez-nous sur toute autre plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et on se quitte d'ailleurs sur une musique de Roméo plus Juliette qui donne la joie de vivre, même si on n'aime pas le film comme Victor ou comme Amaury. Mais on se dit à très bientôt pour une prochaine émission et on vous aime beaucoup. Au revoir. Au revoir. Salut.